I'm Pain. Pain. Pain. It's Pain. Alive! Pour cette dernière édition de février du Undead Incorporated Show Réanimation, je vous propose, comme à l'habitude, la présentation de l'album marquant, soit Uprising Dentum, mais aussi un spécial Septic Flesh, qui sera certainement un bel exemple de l'évolution musicale d'une formation métal. Et pour le reste, eh bien, ce n'est pas de vos affaires, les guignols. Voici Réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, surtout lorsqu'il se mêle d'évolution, et que pour lui, la signification du terme est celle-ci. Vous étiez malade, maintenant, vous êtes très malade. Et si les choses se passent comme prévu, et comme il serait souhaitable, demain, vous le serez horriblement plus. Et à ce moment, j'interviendrai. Peut-être pas comme vous le souhaiterez, mais j'interviendrai et concrétiserai cette évolution de douleur. Priez pour ne pas se survivre. Enfoiré. Cause fear is my fucking business. We are undead, incorporated. Cause hi, Pendragon, said so. Et débutons le tout avec un bloc good old trash metal. Première pièce, dédiée à mon ami, Mr. DJ Tower of Death. Forbidden. Go! Coming fast, black, sleep, black.

L'atelier Fer à bois, c'est deux gars qui font des maudits beaux meubles en acier et en bois de tout genre. C'est aussi deux gars qui se payent une pub sur une radio étudiante qui savent très bien que ça donnera pas grand-chose. L'atelier Fer à bois, artisan honnête, vraiment honnête. Atelier Fer à bois sur Facebook, ferabois.com et plein d'autres affaires. Désolé. On n'est pas Rock Classic, non, vous êtes à Réanimation et je ne vous souhaite pas la bienvenue à cette nouvelle et dernière édition du mois. Ce 28 février de l'an de disgrâce 2017, je suis le Dr. Pain Pendragon et je vous accompagnerai métalliquement, et ce jusqu'à 21h. Émission, tout ce qui a pu charger ce soir, et j'en suis la seule personne à qui on peut en imputer la faute, bien entendu, parce que j'en aurai, en fait, deux spéciales, si on veut, soit la présentation de l'album marquant du mois, qui, ce mois-ci, s'attardera à Entomb et l'album Uprising, mais aussi parce que il y a une présentation relativement longue, de pratiquement 40 minutes, qui s'attardera à la formation grecque Septic Flesh, et aussi dans quelques instants, présentation de nouveautés. Mais en début d'émission, on a entendu un bloc consacré au trash metal dans sa forme la plus pure, je devrais dire. À l'instant, on a entendu, avant la pause publicitaire, bien entendu, la formation Witchery, formation suédoise, et la pièce Awaiting the Exorcist, qui est tirée de leur premier album Restless and Dead, qui parut en 98 sous étiquette Necropolis. Juste avant, la formation américaine Testament et Legends in Hiding, qu'on trouve sur leur cinquième parution, Low, qui est paru en 1994 sous étiquette Atlantic. Nous avions Death Angel, une autre formation américaine, qui cette fois-ci nous proposait Seemingly Endless Time, tiré de leur troisième album, qui porte le titre tout à propos Act 3, paru en 90 sur Geffen. Et nous avions ouvert avec Forbidden, formation américaine également, tiré de leur premier album Forbidden Evil, paru en 88, soit As Good As Dead, sous étiquette Combat, pièce que je dédie à mon ami Mr. DJ Tower of Death. Je sais qu'il est un amateur de Forbidden, donc, en espérant qu'il a apprécié la pièce, c'est pas le cas, ben tant pis pour lui. Il y avait un intrus, bien entendu, vous l'aurez deviné, il s'agit de Witchery. Oui, parce qu'ils sont suédois, ils viennent de Linköping, précisément. Je prononce peut-être très mal, je m'en excuse, mais pas du tout, finalement. Mais les trois autres formations sont tous californiennes. On va accélérer le processus un peu parce que, évidemment, comme je vous ai dit, il y a les trois présentations ce soir, mais il y a aussi chronique cinéma et série télévisée, oui. Ainsi que quelques chroniques musicales, bien entendu. Je vous propose comme nouveauté à l'instant une formation ukrainienne qui donne dans un doom death metal. Je l'ai dit la semaine dernière, j'avais renoué un peu avec ce style grâce à Dope Lord. Et effectivement, je me plais à explorer, réexplorer et découvrir, ainsi que redécouvrir davantage ce style musical qui, ma foi, recèle de véritables petits albums, tout ce qui est le plus intéressant. La formation ukrainienne dont je vous parle, c'est Embrace of Silence, formation qui existe depuis 2007, donc relativement jeune, une dizaine d'années, qui viennent de Odessa, en Ukraine, bien entendu. On parle ici d'un quintet, soit... je vais vous passer la douleur de mes... comment pourrais-je dire... mes interprétations de noms bolcheviques, parce que c'est vraiment... Non, oubliez ça. Mais je peux vous dire que c'est un quintet avec deux guitaristes, trois guitaristes, dont le guitariste-chanteur aussi, batteur et bass, donc... Je ne serais pas entendu. Peut-être que vous ne seriez probablement pas entendu ce que je vous dise qu'il y a de la trompette dedans. Là. C'est pas vraiment le cas. C'est leur deuxième album, soit Where Darkness Swallows the Sun, qui est paru soit le 14 février de cette année, bien entendu. Sous une étiquette que je ne connais pas du tout, Phono Limited, Phono F-O-N-O. Aucune idée de ce que c'est. Quoi qu'il en soit, c'est un album qui comporte 7 pièces qui sont tous relativement longues. Pour du 12, quand même assez court, une moyenne de 6 minutes par pièce pour 44 minutes 17 secondes de musique, ce qui est appréciable. Je vous propose deux pièces, soit Faceless, qui sera suivi de Idols, The Fame, Your Fate. Voici Embrace of Silence. Let's go! Thank you. Wow! Ouais, c'est assez... c'est ça. Embrace of Silence, Idols that Defame Your Fate. Il y a eu un problème technique ici dans le mix que j'ai apporté. J'ai l'impression qu'il y a eu un dédoublement quelque part parce que ça sonnait complètement infernal. Mais quoi que je dois dire que j'ai beaucoup aimé. Ça va l'air être complètement expérimental, décadent. Bref, je peux pas vous dire ce qui s'est passé. Peu importe, c'est pas aussi expérimental que ça l'avait l'air. Idols that Defame Your Faith, qui est tiré de leur deuxième album Where Darkness Swallows the Sun, qui est paru je vais vous le dire, je crois que c'est le 14 février, voilà, dernier. Sur Phono Limited, et nous avions en ouverture de ce spécial, de ce bloc, de ce doublé Faceless tiré du même album, bien entendu, formation ukrainienne que je vais certainement repasser au fil des prochaines semaines et probablement cette fois-ci avec un petit peu moins d'effet. Wow, ben c'est ça, réanimation, c'est expérimental, hein? Voilà. Avant d'embarquer dans le spécial Septic Flèche, je vais vous parler un petit peu côté musical parce que le spécial est relativement long, donc je ne ferai pas d'intervention avant une bonne quarantaine de minutes. Côté expérimentation, c'est le cas de le dire, et découverte musicale au niveau des nouveautés, le 24, soit vendredi dernier, c'était la sortie, 24 janvier bien entendu, c'était la janvier-février, c'était la sortie du 16e album de Chris Barnes et Six Feet Under. Il faut bien le dire, Chris Barnes et Six Feet Under, parce que c'est pas mal autour de lui, ça gravite. C'est jamais vraiment longtemps les mêmes musiciens qui l'accompagnent. Quoi qu'il en soit, formation Dead Groove Metal aujourd'hui, formation américaine bien entendu, et... ce 16e album porte le titre de Torment, qui est toujours sous étiquette Metal Blade. C'est disponible en CD et en vinyle. La semaine dernière, je vous avais dit que j'avais écouté la pièce, le single qui avait été mis disponible, soit Separate Flesh from the... Je sais plus trop quoi. Allez, go. Ben voilà, c'est un album que je qualifierais de très décevant, honnêtement. De nouveaux acolytes encore une fois ici pour Six Feet Under autour de Chris Barnes, comme j'ai dit, comme à presque tous les albums. Je pense que celui-là l'ont passablement échappé. Il est ennuyant, il est sans saveur, selon mes propres critères, bien entendu, mais je pense ne pas être le seul à croire et avoir identifié l'album comme étant très, je dirais... sans être médiocre, il est vraiment sans intérêt, cet album Torment. Je n'ai même pas été capable de dire honnêtement « Ah, cette pièce-là est bonne ». Non, pas du tout. Donc, je ne le présenterai pas, du moins pas de façon imminente ou importante, parce que je ne lui ai pas trouvé rien d'intéressant, à dire, rien d'intéressant à en écouter non plus. Formation polonaise Dave Oss, formation qui donne dans un technical death metal. L'album s'appelle Endemic Divine, qui est paru sur Self-Made God Records. C'est disponible actuellement en version CD. J'ai découvert le groupe avec ce 5e album. Et sans dire que je ne l'aime pas, je trouve que ça sonne un petit peu vide à mon goût. Donc, je l'ai souvent dit, je vais encore le répéter ce soir. Pour moi, un groupe qui donne dans un death metal, il faut que ça sonne plein. Il faut que ça sonne plein. Ici, c'est pas vraiment le cas. Donc, c'est pas vilain, là, mais ça cadre pas dans mes canons, si on veut, de ce style musical. Dave Oss et Endemic Divine. Embrace of Silence, eh bien, je viens d'en parler. Moi, j'ai bien aimé l'album. Présentation superbe, en plus. Faut aimer le genre, bien entendu. C'est du vocal, très guttural, très death metal, sous une musique qui est lourde, comme veut le doom. Mais aussi, je dois dire, par moment, malgré le fait qu'il n'y a pas de tempo qui soit très, je dirais même moyennement vite, très puissante. Chose intéressante, le 1er avril le prochain, au Rock Café Le Stage, ici à Trois-Rivières, ça va être le lancement du nouvel album de Ordox, formation qui est dont le Basecamp sera à Nicolet, ici c'est la rive sud de Trois-Rivières. L'album porte le nom de va porter le nom officiellement là, à sa sortie, Towards Eternity, qui sera sous une signature Horror Pain Gore Death Production. Est-ce que c'est maison? J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, j'ai reçu l'Advance, l'album de JD, le batteur de la formation Ordox. J'ai écouté ça. Je suis pas un grand amateur de black metal. Je pense que c'est reconnu pas mal de tout le monde qui écoute Réanimation. Par contre, je dois dire que j'aime pas plus le black metal après avoir écouté l'album de Ordox, mais je vais être très honnête, par contre, les membres de la formation font un très bon travail. Leur approche a une certaine dose d'originalité aussi, ce que j'ai bien apprécié. J'ai beaucoup aimé, la première pièce de l'album, We Are Eternal. J'ai trouvé que c'est une très bonne pièce. C'est une production maison, je suis certain. Elle est bonne. Par contre, ce qui je trouve qui lui manque peut-être, c'est un peu d'ampleur et de dimension, mais on s'entend que c'est pas mal le lot de toutes les productions québécoises qui sont dites autoproduites. Et c'est normal, c'est probablement l'équipement qui veut ça, mais ça sonne très bien, je dois le dire. Et c'est un album qui a une belle présentation graphique aussi. C'est un album qui risque d'intéresser beaucoup les amateurs de black metal. Donc le lancement de l'album officiellement se fait le 1er avril, comme je l'ai dit au Rock Café Le Stage de Trois-Rivières, et ça va être disponible en 500 copies CD, du moins pour un premier pressage. Donc avis aux amateurs, lancement de Ordox et Towards Eternity ce 1er avril au Rock Café Le Stage. Ceci étant dit, avant de se mettre dans le bain de ce spécial Septic Flesh, on va justement un peu se préparer mentalement avec une formation romaine qui porte que j'ai excessivement mais très rarement diffusé à Réanimation, si c'est pour ainsi dire jamais, ou peut-être à l'époque de Sinistros. Et je me suis rappelé de cette formation à cause d'une discussion que j'ai eue avec le Rockmaster, il s'agit de Flesh God Apocalypse, et je me suis dit, tiens, oui, c'est vrai. Donc, une pièce tirée de leur dernier album, King, la pièce Healing Through War. Let's go! êtes à CFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez CFOU.ca. T'aimes découvrir la musique? T'aimes réentendre tes classiques? Tu veux entendre des B-sides de groupes connus? T'aimes soft pop, le noise, le gear, le punk et Marcel Martel? Tu as la chance d'entendre tout ça en une seule émission, Radio Sonic, en compagnie de Sébastien Pichette et Stéphane Corriveau, tous les mercredis dès 20h et en rediffusion tous les samedis à 18h. Le 24 février ainsi que le 4 mars prochain se déroulera la 11e édition des Nuits polaires de Trois-Rivières. Ne manquez pas Moose's Heart, Corias, Coca, composé de Karim Ouellet et King Abid, ainsi que plusieurs autres artistes. Pour toute la programmation, visitez nuitspolaires.ca. La 11e édition des Nuits polaires, une collaboration de la Corporation des événements de Trois-Rivières, la SDC Centre-Ville, la Maison de débauche et CIFOU 89.1 FM. Du lundi au jeudi, Mathieu Plante, Tania Baudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Médecine, sport, sciences, musique, vocabulaire, politique, discussion. Actualité, connaissances générales, gadgets, malbouffe, improvisation. Assemblage requis, c'est une émission pas mal béton. Assemblage requis, du lundi au jeudi de 6h30 à 9h30, en direct à partir de 7h30. Assemblage requis. Audiomatique, avec les électronistes, tous les mercredis à 17h. Et vous êtes toujours à l'écoute de réanimation des Undead Incorporated Show sur les ondes de CIFOU, le 89.1 FM, et ce, jusqu'à 21h. On vient d'entendre, avant la pause publicitaire, une pièce de la formation romaine Flesh God Apocalypse, soit Healing Through War, qui est tirée de leur quatrième album et dernier en liste, King, paru en 2016 sous étiquette Nuclear Blast. Et je dois dire que je trouve ça correct d'avoir renoué avec le groupe parce que c'est assez intéressant. Je vous parle de la formation grecque de Athènes, Attica, Septic Flesh, spéciale que je consacre à l'évolution musicale de cette formation que je considère comme une des très importantes dans le symphonic death metal et même momentanément atmosphérique par endroit. Une formation qui a vu le jour en 1990. Ils se sont appelés Septic Flesh, effectivement, de 90 à 2003, mais en deux mots, alors que depuis 2007, ils portent le nom de Septic Flesh en un seul mot. Donc, ce n'est pas vraiment un grand changement, du moins pas au moins au niveau de la prononciation. Formation qui comporte des membres qui sont, je dirais, très théâtrales, en plus d'être excellents musiciens. Je parle spécialement au niveau du vocal et de la basse, Spiros Antoniou, avec qui j'ai eu le plaisir de m'entretenir très brièvement, principalement pour être capable d'avoir ce qu'on appelle ID pour l'émission ici. Mais spectacle dans lequel il y avait eu, c'était au Metal Fest ici il y a quelques années. Il avait carrément échappé sa basse sur le plancher de la scène dans un espèce de fracas assez épouvantable. Et il nous expliquait qu'il croyait ferme comme Dieu que son instrument est attaché après sa strap en bon courroie, en bon français. Il était très surpris qu'il disait donc, mais c'est quelqu'un qui avait l'air assez sympathique. Bref, formation que j'ai apprécié, je dirais, de façon spontanée lors de la découverte, parce que je les ai découverts sur le tard, soit en 2011, avec The Great Mass. Euh, et j'ai littéralement accroché sur le groupe. Pour la suite, explorer ce qu'ils ont fait depuis leur début. Je suis reculé jusqu'à leur premier album, Mystic Places of Down, qui paraît en 94. Donc, j'ai décidé de faire une espèce de survol parce que je trouve que c'est un excellent exemple de cette dite évolution musicale au sein d'une formation métal, soit un survol de leur... ils ont 8 albums. Par contre, le deuxième dont je suis incapable de prononcer le nom, qui est... Et où tu pauvre, je sais pas. Écoute, c'est des symboles avec des lettres, toujours. J'en ai aucune idée. Quoi qu'il en soit, j'ai cet album-là, mais je le trouve pas très bon, mais vraiment, vraiment pas très bon. Donc, j'ai fait abstraction. Et en fait, on va entendre une pièce de chaque album à l'exception du deuxième, soit du premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième. Et vous allez assez bien découvrir, je me répète, mais cette évolution, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dès le début, à leur début, Septic Flesh se donnait dans un genre musical qui tendait beaucoup plus vers le black metal, à tendance effectivement atmosphérique, pour finalement, je dirais, à peu près à partir de Fallen Temple et peut-être plus avec Revolution DNA, arriver avec un espace beaucoup plus symphonique et grandiose. Donc, je vous invite à aller écouter ce spécial qui dure 38 minutes 54 secondes, ou à peu près, en débutant avec une pièce de Mystic Places of Down, soit la pièce Underwater Garden. This is Septic Flesh. We'll be right back. self in unity. Does it fall apart of the universe? A part of me. We'll be right back.

comme un compliment. Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek CNX, sans oublier la rubrique Jeux vidéo d'un gamer à un autre avec Samuel Girard. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, tous les mercredis de 15h à 17h. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. L'émission est pas mal sur le point de se terminer. Tellement que, une fois de plus, j'ai manqué de temps. J'ai dû faire abstraction de la pièce du dernier album Titan, soit Order of Dracul. Mais quoi qu'il en soit, on a eu un bon aperçu de ce qui était cette évolution musicale de Septic Flesh. On vient d'entendre à l'instant la pièce Great Mass of Death, tirée de l'avant-dernier de Great Mass, le huitième paru en 2011. Juste avant, nous avions Persepolis, la cité perse, qui est tirée de Communion, leur septième album paru en 2008. Sur ces 9 Mist en passant. Mechanical Babylon, l'excellente Mechanical Babylon, tirée du 6e album Sumerian Diamonds, paru en 2003. Chaos Star, qu'on retrouve sur Revolution DNA, le 5e, et c'était pas mal à partir de cet album-là qu'on a commencé à voir que Septic Flesh devenait plus vers, tendait plus vers le symphonique, étant paru en 99. The Crypt, tirée de Fallen Temple, le 4e. Et la pièce titre des Ophidian Wheels, cet album étant le troisième de 97, et nous avons ouvert avec The Underwater Garden, tiré du premier album Mystic Places of Down, paru en 94. Le temps me presse. Ah ben oui. T'as raison, Horace. Merci de me le rappeler. En fait, je l'aurais probablement pas oublié. La semaine prochaine, c'est une émission très spéciale pour Réanimation puisque ce sera le soulignement de la 750e émission du Undead Incorporated Show. Et exceptionnellement, l'émission débutera à 18h. Pardon, quelle heure de qualité ici. L'émission, comme je disais, débutera à 18h, donc 3 heures d'émission pour faire un survol des 17 années d'existence de Réanimation. Et j'aurai un co-animateur à l'occasion de ce spécial 750e, soit mon bon ami, le Rockmaster Alain Lefebvre. Donc, les rôles seront inversés. Ce ne sera pas moi le co-animateur cette fois-ci, mais bien lui. D'ailleurs, en parlant du Rockmaster cette semaine, à Rock Classique, pour les vrais amateurs de vrai rock, dès 11h ce vendredi. Mais c'est fou, c'est la deuxième partie du spécial progressif. Et ce sera à mon tour de vous présenter mon top 50 progressif, ce que je considère étant les meilleurs albums progressifs dans à peu près tous les genres. Donc, une émission qui va être très, très, très remplie. Avis aux amateurs de prog, elle sera pour vous. Aussi, si ça vous intéresse de continuer dans le métal, oui, vous avez les gens de Matière Noire qui vont arriver à 9h, 21h dans quelques minutes. Aussi, notre ami DJ Tower of Death et sa subversive subversion ce vendredi 18h30 sur les ondes dans The Grand Québec. Et ainsi, je vous invite d'aller voir le blog et lire les chroniques de mon ami Sinistros, ce sinistre gobelin puant. À peine le temps de vous dire que on va se laisser sur quelques pièces de cet album marquant de février, c'est-à-dire la formation suédoise Entomb, qui en fait existe toujours, mais sous une forme très diluée, puisqu'il ne reste que Alex Elid, le guitariste de cette formation, qui est accompagné, comme il était lui-même, de deux autres membres qui sont des ex-nihilistes. Mais on va s'aventurer plutôt vers une version d'Entomb de 2000 avec l'album Uprising, dans lequel on va tenter de vous présenter les pièces Seeing Red, Satan's Slug, Won't Back Down, Insanity is Contagious, et je crois que ça va s'arrêter là. Bref, c'est un excellent album, c'est un de mes préférés de la formation Entomb qui donne dans le Death and Roll, du moins à cette époque-là, bien sûr. J'espère que vous allez apprécier. On se retrouve mardi prochain à 18h. N'oubliez pas 19h, 18h pour l'émission spéciale de la 750e de Réanimation en compagnie du Rockmaster. Et d'ici là, allez tous vous faire foutre. See you!